puisque tout fut dit. Je fais des phases qui tournent en rond. Je m'en fous, je fais des phrases sur tout sang, je tue sang. Truc à la con ou inspiration, expire le hardcore à chaque respiration. Qu'est-ce tu veux que je te dise, fils? Ici le vice coûte moins cher à produire qu'une poignée de vis. Pour des clous, on va à la mine jusqu'au soir. Noir de tête quand même, faire la fête se fait rare. Champagne, le bling bling dans leur clip me fait tellement chier que je le regarde quand je suis constipé. Les constipés, tantôt ils rient, tantôt ils pleurent, c'est la confusion. Mais tout ça c'est classique, nos vies ressemblent à du saut à l'élastique. Tu remontes jamais assez haut, c'est la dégringolade de tous tes idéaux. On n'arrête pas de rêver ou tu scelleras ton tombeau. C'est classique, nos vies ressemblent à du saut à l'élastique. Tu remontes jamais assez haut, c'est la dégringolade de tous tes idéaux. N'arrête pas de rêver ou tu scelleras ton combo, c'est classique. Donc j'ai opté pour le hip-hop, quoi de plus basique. Marre de me coucher avant le flop mec, c'est classique. À l'époque on était qu'une poignée, des pionniers a cappella sur des face B crachés par les pionniers. Je me rappelle le test, concert à la salle test. C'était rempli des environs, le son de Nox se manifeste. La fierté dans les yeux des miens et les miens, avec la certitude que je rapperai encore demain. Demande, à l'époque j'en étais à squatter dans les halls. Les halls squat m'interpellent avec en poche des textes à l'appel. Bizarre ce petit gars qui s'appelle Buzard, et son pote qui a l'air si fier se prénommant FER. Tout ça c'est classique, nos vies ressemblent à du saut à l'élastique. Tu remontes jamais assez haut, c'est la dégringolade de tous tes idéaux. On n'arrête pas de rêver ou tu scelleras ton combo. C'est classique, nos vies ressemblent à du saut à l'élastique. Tu remontes jamais assez haut, c'est la dégringolade de tous tes idéaux. On n'arrête pas de rêver ou tu scelleras ton combo. C'est classique.